L'actualité à Nancy et ailleurs. Aline Zander, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée des relations avec le public pour le théâtre Gérard-Philippe de Frouard. On a le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour donner un petit coup de projecteur sur les différents événements qui vont arriver tout proche de nous et même de manière plus régulière au cours de l'année au TGP. Déjà, comment se passe cette rentrée au TGP de Frouard ? Alors, on passe une super rentrée. On est heureux d'avoir retrouvé le public dès notre lancement de saison au mois de septembre. Le public est au rendez-vous. Le TGP, pour le resituer, c'est Avenue de la Libération à Frouard. Pour se projeter un peu dans le théâtre, c'est combien de places assises par exemple? À quoi ça ressemble le TGP de Frouard? Alors le théâtre, il est configuré en forme d'amphithéâtre, contrairement à certains théâtres à l'italienne qu'on peut retrouver comme le théâtre de Lunéville ou l'opéra de Nancy, on a des balcons. Donc non, forme un peu plus classique, il y a un total de 540 sièges, mais qui ne sont pas tous utilisables pour les spectacles. La plupart du temps, on est sur un public à 320 places, sauf quand on a la chance de créer des petits cocons sur la scène où on a des spectacles un peu plus intimistes où on va avoir une cinquantaine de personnes en face à face avec les comédiens. C'est souvent des spectacles pour les plus petits qui ont cette configuration. Plein de possibilités dans cette salle-là. Et des spectacles réguliers, en général environ 2 spectacles par mois ? Oui, tout à fait. 2 spectacles par mois. On essaye d'en proposer un plutôt tout public, familial, et un autre pour un public un peu plus adulte. La première date qui va nous intéresser, ça va être un mercredi ciné. C'est peut-être un peu pour les plus jeunes ? Oui, alors effectivement, on propose chaque mois un mercredi ciné l'après-midi, avec soit des dessins animés, des petits documentaires aussi, qui sont alors pour tous les âges, mais qui peuvent tout à fait convenir aux plus jeunes. Sur scène, on va se retrouver le jeudi 10 novembre avec Le Mensonge. Oui, Le Mensonge, un spectacle de la compagnie Acte 2, qui est inspiré d'un livre jeunesse qui s'appelle Le Mensonge, de Catherine Grivre et de Frédéric Bertrand. Et ce livre jeunesse parle d'une petite fille qui se retrouve prise au piège par un mensonge qu'elle aura raconté à ses parents. Alors là, on est sur un spectacle de danse, donc il n'y a aucune parole. Donc ce mensonge, on ne saura jamais ce qu'il est vraiment. Il va se symboliser par des pastilles rouges, des bulles rouges, des balles rouges qui vont prendre de plus en plus de place dans l'univers de cette petite fille et qui va la mettre face à elle, sa solitude et à comment trouver la force en soi pour affronter cette adversité. Un spectacle très visuel, mais qui peut intéresser tout à fait les jeunes, oui, les enfants. Alors effectivement, c'est très visuel, les décors sont assez fous dans ce spectacle. Il est conseillé à partir de 6 ans, il est ouvert de 6 ans à 110 ans. On reste au mois de novembre avec un autre événement, vers le 19 novembre, c'est avec la cartographie de l'avenir. Cartographie de l'avenir, là on part sur un spectacle d'un format un peu différent. On va avoir une vingtaine de personnes, le public donc, autour d'une grande table avec une nappe blanche au milieu. Et là, la comédienne et philosophe va mener une réflexion avec le public. Le public devient vraiment acteur de ce spectacle pour imaginer ensemble quelle est la cartographie de notre avenir avec un petit jeu de cartes qui va se dérouler en petites questions clés. Par exemple, selon vous, de quelle couleur est l'avenir ? Et après, chacun va pouvoir échanger avec, bien sûr, la comédienne qui va tirer le fil de la réflexion jusqu'au bout. Et ce spectacle, il est lié à un fil rouge qui va se dérouler donc au TGP cette saison, au Théâtre Gérard-Philippe. Le fil rouge d'autres possibles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ? Alors effectivement, chaque année, nous proposons une thématique fil rouge pour y associer certains spectacles ou d'autres petits moments. Celui-ci, donc d'autres possibles, met en valeur les rebelles, les gens qui vont un peu à contre-courant, qui vont se battre pour leurs convictions, aller jusqu'au bout de leurs rêves. Et effectivement, ce spectacle Cartographie de l'avenir rentre tout à fait dans ce cadre-là, dans l'objectif de réfléchir tous ensemble à un meilleur avenir. Ce fil rouge, il se caractérise donc avec des spectacles, mais des ateliers aussi. On a effectivement, en plus des spectacles, des petits moments. C'est ce qu'on appelle chez nous les petits moments. Il y a certains ateliers, conférences. Par exemple, là, ce sera le mercredi 23 novembre. Nous aurons la philosophe Brigitte Labbé qui sera là l'après-midi pour proposer un goûter philo aux plus jeunes à partir de 7 ans avec la thématique Obéir, désobéir. Donc cette personne, Brigitte Labbé, a sorti toute une série de livres pour les ados, pré-ados, qui font réfléchir sur des thématiques du genre. L'objectif, c'est que les parents ne restent pas à se goûter philo. On reste vraiment entre enfants, entre grands-enfants aussi, ce sera à partir de 7 ans. Et ils vont être amenés à réfléchir à comment se poser les bonnes questions par rapport aux ordres qu'on peut nous donner. Alors, non pas les ordres de aller faire la vaisselle ou d'obéir à ses parents, mais comme l'histoire a pu le montrer, il n'a pas toujours été une bonne chose de suivre les ordres qu'on a pu nous donner. Donc voilà, le but c'est de les faire réfléchir là-dessus. Et le soir, la conférencière va poursuivre pour une conférence pour les adultes. Donc le 23 novembre, toujours à 19h, conférence débat pour les adultes, obéir et désobéir, libre et pas libre, avec Brigitte Labbé. Avant de se projeter au mois de décembre, de découvrir les deux spectacles qui nous attendent pour la fin d'année, il y a aussi un temps fort qui arrivera en fin d'année scolaire, vers le mois de mai pour le TGP, mais qui se prépare donc de semaine en semaine, de mois en mois. Vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit là aussi ? Oui, tout à fait. On prépare une petite surprise au mois de mai. Donc comme vous l'avez dit, un temps fort avec des spectacles qui vont jouer un peu partout dans Froid. On dévoilera certainement en 2023 le programme de ce temps fort. Et on prépare, nous déjà, avec un groupe d'adultes et un groupe d'adolescents, deux surprises qui vont faire partie de ce programme. C'est des créations collectives qui sont préparées en lien avec deux artistes. Donc pour les ados, c'est l'artiste Romain Dieudonné qui va mener des ateliers d'écriture et de création d'un petit spectacle. Et pour les adultes, c'est la compagnie Et toi et moi, avec Émilie Catona, qui est metteuse en scène, qui va venir avec sa joyeuse bande de comédiens. La compagnie Et toi et moi travaille avec des comédiens professionnels et amateurs. Ils ont de tous horizons dans cette compagnie. C'est un plaisir de tous les rencontrer. Et ils vont lier et certaines personnes de cette compagnie et des adultes qui veulent participer à ce projet pour voilà, créer ensemble quelque chose, mais on ne sait encore pas qu'est-ce que ça va être parce que ça va émerger de ce qui va fuser pendant les ateliers de ce groupe. Pour cet atelier adulte, il y a une première séance qui est proposée, donc c'est gratuit. Une première séance test qui va avoir lieu le 26 novembre. L'objectif, c'est de voir un peu comment Émilie Catona, la metteuse en scène, va proposer de travailler sur ces ateliers, cette création. Et à l'issue, on pourra décider si oui ou non, on veut s'engager sur l'année avec nous. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez plus d'infos. Il reste aussi des places pour la création collective pour les adolescents. Voilà, qu'on n'hésite pas à vous contacter pour en savoir plus. On va maintenant se projeter donc au mois de décembre. Je me demande si quand je suis né, quelque chose m'était dû. C'est un spectacle qui aura lieu le vendredi 2 décembre à 20h au Théâtre Gérard Philippe. De quoi s'agit-il ? Oui, alors ce spectacle, c'est du théâtre et de la danse. Effectivement, cette année, on inclut un peu plus de danse dans la programmation du TGP. Ce qui m'est dû, c'est une prise de conscience écologique. On va avoir le récit de vie de la comédienne qui va se poser les questions que je pense beaucoup d'entre nous sommes aussi amenés à nous poser. Prise de conscience dans... on se retrouve dans un travail qui ne correspond pas à nos valeurs et petit à petit, on va essayer de changer les choses dans notre vie déjà en se posant les questions sur le paradoxe qui nous entoure, des choses qui ne vont pas forcément bien et où on essaye parfois de fermer les yeux dessus. Là, la comédienne va mettre en mouvement tout ce que l'autre comédien va raconter comme s'il était dans sa tête. Donc elle, voilà, par la danse, va mettre en mouvement ses réactions à cette prise de conscience écologique narrée par l'autre comédien. Donc ça sera le vendredi 2 décembre par la compagnie La Débordante. Et alors pour les tout petits, à partir de 18 mois, il y a un spectacle, deux séances de spectacle le 14 décembre. Comment habiter cette maison étrange qu'est le corps ? Oui, le spectacle Boom, un spectacle tout mignon pour les tout petits. C'est un théâtre visuel avec de la marionnette. Donc là, on va être sur un petit cube qui va prendre vie par la manipulation de la comédienne. Un petit cube qui va parler d'un équilibre fragile, de comment se tenir debout, comment chuter, se relever. Un monde tout doux où on va voir l'évolution de ce petit personnage du matin au coucher, avec comme je le disais dans la configuration de notre théâtre, la possibilité d'avoir un petit cocon qui se crée autour du plateau de jeu des comédiens. Donc là, les petits bouts de chou seront tout autour, tout aux abords de l'espace de jeu, pour être au plus proche de l'évolution de ce petit personnage. Voilà, le Théâtre Gérard Philippe qui vous propose donc tous les mois des spectacles, des ateliers éventuellement pour des différents temps forts. Un mot peut-être sur les tarifs. Est-ce que ça reste accessible d'aller au théâtre aujourd'hui ? On essaye de rendre au plus que possible nos spectacles accessibles. Nous avons deux tarifs de spectacle. Les tarifs qui ont lieu les soirs, généralement, pour un public plutôt adulte, on est à un tarif plein de 12 euros et un tarif réduit de 8 euros pour les moins de 26 ans, les tarifs sagesse, toutes sortes de critères pour lesquels vous pouvez accéder à ce tarif. Et de la même façon, pour notre tarif A, pour le tarif plutôt tout public familial, familial. On est sur un tarif plein à 6 euros et un tarif réduit à 4 euros. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez savoir si vous pouvez bénéficier de tarifs réduits. Et pour organiser sa visite, réserver ses places. On a une billetterie en ligne, c'est tout nouveau depuis la rentrée, donc on est assez content. Ça facilite beaucoup de choses pour pas mal de monde. Vous pouvez retrouver donc la billetterie en ligne, c'est billetterie-tgp-froire.mapado.com. Sinon, vous tapez billetterie TGP froire dans Google qui saura vous mener à nous. Autrement, n'hésitez pas, il y a toujours la possibilité de nous téléphoner au 03 83 24 19 97 ou de nous envoyer un mail à l'adresse tgp@froire.fr. Merci beaucoup, Aline. Merci à vous. À bientôt. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.